Et c'est le moment où avec un peu de retard, du son mystère. Le son mystère. Le son mystère. Le son mystère. Glou. Glou. Glou. Le son mystère. Alors, aujourd'hui, les auditeuristes se sont rués sur leur téléphone et nous ont appelés au moins des dizaines de fois. Donc, nous avons dû sélectionner... une première personne pour la rappeler. Oui, ils ont appelé justement à 11h10, hein, comme bien ponctuel, comme était prévu. Bon, ça se prouve un peu qu'ils n'étaient pas en train d'écouter la radio, parce que mais bon, ça c'est un autre discours. Non, mais on va écouter quand même le son mystère, oui, peut-être. On va pour le relancer. Eh bien, maintenant, nous pouvons rappeler... On va rappeler le premier... Ou la première, je ne sais pas. Ou la première, oui, c'était exactement. Le premier. C'était le premier. Donc, on essaye. Suspense. Allô ? Allô, allô, bonjour, c'est Archi Radio. Oui, bonjour. Du coup, alors, quelle était votre proposition pour ce son mystère du jour ? Alors, je suis novice dans le jeu, je connais pas. C'est-à-dire, il faut proposer quelque chose. Est-ce que vous avez écouté le son mystère du jour? Ou est-ce qu'il faut qu'on vous le remette? L'idée, c'est juste de... Il faudrait le remettre. Ok, ouais. Alors on le remet. Hein, de toute façon, il est assez court. Alors, je ne sais pas ce que ça donne dans un téléphone. Vous êtes dans la voiture ou vous nous écoutez depuis votre voiture? Un train en déplacement? Non, depuis le train. Ouais. Depuis le train. Ah, il y a beaucoup de gens qui les appellent depuis le train, en fait. C'est une radio du... C'est le meilleur endroit pour écouter Archi Radio. Ouais, en fait. Exactement. Donc, vous avez appelé comment, monsieur? Juan Manuel. Juan Manuel. Ok. Juan Manuel. Ok, trop bien. Alors, du coup... C'est quoi votre idée sur le son mystère point Emmanuel? Peut-être une mouette. Une mouette. Une mouette. C'est pas mal, c'est pas mal. Mouette, est-ce que vous pouvez préciser un peu mouette comment, où? une mouette. Mouette. qui n'est pas un bateau, je ne vois. Pas motorisé. Mais okay. Bien volant. Ok. Mouette volant, est-ce que... Dommage. Oh, non, merci. C'était pas la c'était bonne bien réponse. Essayé. Merci beaucoup, surtout dans le boîtier du téléphone, ouais. Entendre. Bah, c'était ouais. Chapeau. Bah, j'espère que vous n'êtes pas en train pour venir au festival parce que vous étiez sûr de gagner l'entrée du festival, mais bon. Ouais. Bon. Bon, pour oui, être un peu clément. C'est pour ça que j'ai pris le train. Ah, exactement. Oui. Pour partir, j'espère. Bon. Bon, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir appelé. Clara, tu me la feras écouter. C'est promis. Très bien. À tout à l'heure. Au revoir. Merci. Bon, bah, on va donc essayer de recontacter le deuxième oui. Auditeur qui avait appelé en oui. 11h10. C'est un peu inédit tout ça. On n'a jamais appelé des gens. Puis on n'a jamais été aussi en retard sur notre grille aussi. Non, exact. Mais vous, quand on va continuer jusqu'à lundi, ça c'est ça. C'est pas un problème. On pourrait introduire l'année prochaine d'appeler à des numéros au hasard pour leur proposer le jeu mystère. Très bonne idée. Au numéro mystère. Au numéro mystère, exact. Savoir qui. Swisscom. La personne que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Bon, on laisse un message. Merci. On laisse un message. On nous dit de nous rappeler. Après le signal sonore. Bon, bah, en tout cas, le jeu reste ouvert aussi pour les auditeurs à la maison. Là, maintenant, on a quand même notre petit délai. Vous pouvez appeler donc au 078 244 57 54. Et on pourra faire une petite pause dans nos interviews pour répondre à l'appel. Exact. On ne donne pas de réponse. Sachez qu'aujourd'hui, vous gagnez, c'est magnifique. Vous gagnez l'entrée au festival et ainsi que... aujourd'hui, c'est comment on appelle ça le brunch et puis peut-être même un œuf en chocolat. Ouais, exact. Et il y a la chasse aux œufs que vous pouvez participer à midi. Donc bon, je pense que on va peut-être essayer de récupérer les minutes de retard en interrompant le jeu ici. On n'a pas de gagnant pour l'instant, mais rien n'est perdu. Hein. Vous avez jusqu'à 13h. On pourrait même interrompre le salon d'écoute en direct pour vous faire passer au Cosmonium pour donner la réponse. Votre voix spécialisée. Ah, mais il y a quelqu'un qui appelle. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, on répond. Je soupçonne que c'est quelqu'une. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, bienvenue au Sans Mystère. Alors, moi j'ai l'impression que c'est un jouet pour chien ou chat. Ah, pour chien ou chat, parce que c'est pas pareil. Hein. Décide, ouais. Mais vu le volume, comme ça je me dis peut-être plutôt pour chien. Pour chien, ok. Moi je savais pas qu'il y avait des jouets pour chiens qui font du son comme ça. Ah c'est bon intéressant. C'est t'as pas, jamais eu de chien. T'as pas de chien, ouais, c'est beaucoup ça. Ah oui, donc, je vois le truc qui. Oui, ah, mais c'est, oui, c'est okay. Les sortes poupées en plastique, okay. Les chiens ils mordent et puis voilà, ça. Voilà, c'est un oui. Truc qu'on mord. Mais ça serait pas un chien qui le mord là, parce que c'est quand même joué de façon assez subtile. Ouais. Là, c'est... Oui, c'est ça. Là, bien sûr que ça okay. A été. Voilà, c'était par l'interprète du festival. Bien, on va voir si c'est la bonne réponse. La réponse. Et non. Madame, on est désolé. C'était vraiment bien essayé. Mais je propose qu'on donne quand même la réponse. Moi, j'aime bien l'idée qu'on laisse le mystère jusqu'au bout. On laisse ouvert. Oui, on laisse ouvert. On donne pas la réponse. Par contre, madame, on est vraiment désolé, vous n'aurez pas la chance de venir au festival et d'accéder au concert parce que vous n'avez pas gagné. Pas de place pour ce soir. Bah, je vais venir quand même. Hein. Bon, vous allez venir vous encrustrer. Okay. Bon, si vous insistez, on a un bon service de sécurité en tout cas. Hein. Ouais. Ils vont vous magnétiser, vous allez disparaître. En tout cas, merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Ouais. Bon, c'est midi, là, c'est l'heure d'interrompre la radio parce que le jeu mystère a pris beaucoup de temps. Hein. Il y a aussi notre supérieur qui arrive. Supérieur qui est arrivé. Notre voix désincarnée qui est encore et âme. Bon, revenons aux choses sérieuses parce que je pense que Mélia nous écoute aussi. Exactement, si elle prend du retard sur sa chronique. Exactement, ouais. On a... Donc, tout de suite, la chronique de Mélia Roger, chronique de terrain. Ça tourne, 22h18. Chronique de terrain. Une proposition radiophonique de Mélia Roger pour le festival Archipel. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous partage le travail de l'architecte sonore, artiste sonore suisse, Nadine Schütz, qui va nous parler d'un projet installatif réalisé pour le futur quartier des Groux à Nanterre, en Île-de-France. Dans sa recherche, Nadine Schütz explore le lien sonore entre une population et son environnement naturel, urbain, architectural, humain et non humain. En enregistrant le son des chantiers, du quartier des Groux, elle tend à donner voix à ce temps, souvent long et souvent occulté, de l'histoire urbaine en transformation. Pour m'approcher, pour faire face à ce monde sonore des chantiers, j'ai néanmoins décidé de garder une posture de piétonne. Donc, comme ceux qui travaille aujourd'hui dans le quartier pour le construire, mais aussi ceux qui résident dans la partie qui va pas être touchée par les nouvelles constructions. Je souhaitais garder cette perspective sonore piétonne et publique. Quand je dis public, ça veut dire que j'ai accédé au chantier pas par des autorisations spécifiques, ni par des portes interdites au public, j'ai vraiment respecté toutes les surfaces, escaliers, trottoirs, rues, qui sont accessibles à n'importe qui, n'importe quand. Puis, j'ai visité le terrain lors des différentes heures de la journée, sachant qu'il y a un intérêt particulier au début et en fin de journée, quand il n'est pas nécessairement plein d'activités en même temps, mais qui permet aussi d'avoir, par exemple, une seule machine qui est en route ou un seul manœuvre qui est exécuté pour avoir un maximum de différentes textures, de creuser ces différentes couleurs, sonorités, rythmes qui forment ensemble ce brouhaha qui est appelé généralement le bruit de chantier. je me suis mis comme règle à moi-même que chaque bruit de chantier que j'enregistre doit être enregistré au moment où je l'écoute. Donc je ne vais pas venir poser un microphone à un endroit et m'éloigner. Je vais vraiment faire le monitoring de l'enregistrement en continu. Donc ça veut dire que j'écoute moi-même, voire même de manière amplifiée ou concentrée, ces sonorités différentes du chantier pendant parfois des heures. Cela résulte aussi dans une limitation d'intervention. On continue à 3 heures. Au bout de ces 3 heures, je suis vraiment très très fatiguée. Et cela veut dire aussi que je m'expose à un certain danger parce que je ne sais pas nécessairement ce qui se passe. Je choisis une certaine constellation des microphones. Par exemple, j'utilise aussi un microphone parabolique qui est plus habituellement utilisé pour enregistrer des oiseaux d'une certaine distance. Et moi, je vais l'utiliser pour enregistrer ce qui se passe sur le chantier, pour avoir une prise, par exemple, sur le gestuel d'un ouvrier qui va fixer une chaîne d'une grue sur un paquet à transporter. Cela peut être assez risqué parce qu'il y a des dynamiques très importantes dans ce qui se passe, des impacts. Donc je suis en mode alerte tout le temps. Avec cette perspective piétonne, je m'expose au travers des outils spécifiques qui me projettent à la limite, beaucoup plus proche de ce qui se passe sur le chantier que je suis physiquement. J'utilise des résolutions, des bitrates très élevées, justement, qui me permet aussi ensuite de plus facilement équilibrer le rendu de l'enregistrement dans la composition, dans le post-production. J'utilise pas nécessairement des limiteurs. J'essaie plutôt de... Disons, j'utilise un enregistreur qui permet très facilement d'adapter le volume. Donc, j'essaie plutôt de m'appuyer pas trop sur des protections automatiques parce que j'ai l'impression, en fait, en suivant moi-même pendant l'enregistrement les dynamiques, j'apprends beaucoup plus à anticiper ce qui va se passer et... À la fin, ça devient une manière aussi de, une empreinte de mon besoin de me protéger lié à ma vulnérabilité quand je suis sur le terrain, qui s'inscrit dans l'enregistrement. Le son que nous entendons ici, c'est issu d'un enregistrement en un seul endroit, en un seul créneau de temps, auprès d'un chantier où d'un côté il y a un travail de fondation et de l'autre côté un travail de montage de préfabrication en bois. La forme que je vous donne à entendre ici, c'est une forme d'enregistrement qui est déjà à mi-chemin pour devenir une installation. Vous entendez un extrait d'enregistrement réalisé pendant 2 heures qui est ralenti 100 fois. Donc si vous écoutez 10 minutes, il faut s'imaginer pour de vrai, ça correspond à 6 secondes. Donc vous êtes plongé dans un temps qui semble être creusé à l'intérieur de ces sonorités. Ce que vous entendez, c'est en fait une superposition des mêmes prises dont une couche fait entendre seulement un ralentissement temporel alors que la deuxième couche suit en plus du ralentissement temporel aussi un ralentissement fréquentiel. C'est le son plus grave que vous entendez. J'avais décidé de travailler au ralenti sur ce projet, justement pour utiliser le monde sonore de chantier en tant que confrontation au silence, le non-dit dans l'histoire d'un quartier. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si nous arrêtions un instant pour écouter ce bruit et pour ressentir l'épaisseur du temps avec toutes ces strates, nuances et tonalités. J'avais envie que ces sonorités deviennent un paysage à mémoire habitable. Pour moi, il y a aussi un aspect thérapeutique dans cette approche. Avec le son ralenti, je propose un paysage sonore contemplatif qui a un caractère de dispositif thérapeutique urbain et qui propose un moment de réflexion, de réconciliation ou même de relaxation, mais aussi d'interrogation et d'introspection. Ces sonorités vont être composées en une installation sur le format 4.1 qui est rendue dans une chambre noire équipée d'un divan sur lequel les visiteurs sont invités de se plonger dans ce monde sonore surprenant qui peut faire penser à plein d'autres mondes sonores qui souffre un imaginaire tout en étant entièrement composé de bruits de chantier. Merci Nadine pour avoir partagé ces réflexions qui accompagnent ton travail. Ce projet installatif, cette installation sonore, sera donc exposée à Nanterre, dans le quartier en devenir des Grous, du 14 avril au 3 juin, aux côtés des travaux d'autres artistes plasticiens, plasticiennes, qui explorent l'inventaire visuel du chantier. Et voilà, moi c'était ma dernière chronique aujourd'hui, et je tiens à remercier toute l'équipe d'Archipel pour m'avoir accueilli à leur côté, voilà, pour ce premier travail radiophonique fait en leur compagnie. Merci aussi à tous mes invités, tous les intervenants, intervenantes qui ont pris le temps de répondre à mes questions et qui ont partagé des prises de son voilà, très, très intimes, originales et singulières. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Mélia, à toi aussi. On était très heureuses de passer ce moment avec toi et d'apprendre tellement de choses grâce à tes chroniques de terrain. On se réjouit d'une prochaine collaboration. Peut-être sur Archi Radio.